Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand et une réalisation d'Evelyne Frémy, Inès de Portugal, d'Alejandro Cassone, adapté par André Camp, avec Clotilde Joanneau, Inès, Geneviève Casil, sociétaire de la Comédie Française, l'Infante, Michel Rull, Pedro, Jean-Roger Cossimon, le Roi, et Hélène Callot, André Gire, Fanny Marette, Olga Nilza, Pierre Olivier, Jean Péméja, Jacques Degore, Gaëtan Jor, Marcel Alba. Musique originale de Jacques Degore. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Il y a quelques mois, Jean Camp disparaissait, après avoir grandement contribué à la connaissance de la littérature espagnole. André Camp, son fils, continue l'œuvre paternelle, et c'est lui qui vous présente son adaptation de la pièce du dramaturge Alessandro Casona, Inès de Portugal. En le remerciant pour sa précieuse collaboration, je lui cède la parole. Dans le théâtre espagnol d'aujourd'hui, Alejandro Cassona, mort à Madrid en 1955 à l'âge de 62 ans, occupe une place prééminente et originale. À côté de ce fulgurant météore bouleversant la technique et imposant son génie qu'est Garcia Lorca, dont il est le contemporain, Alejandro Cassona se signale par une œuvre nombreuse, parfumée des saveurs de ses Asturies natales et animée par un art du dialogue fait de main de maître artisan. Retiré pendant plus de 20 ans en Argentine par fidélité pour une certaine idée qu'il se faisait de l'Espagne, il est rentré dans sa patrie juste pour y mourir. Ses pièces, la plupart écrites en exil, ont fait et continuent à faire le tour du monde. Si La Sirène enlisée, notre Natacha, la Dame de l'Aube, qui révéla Lila Kedrova, La Barque sans pêcheur ont été représentées sur des scènes françaises, l'ensemble du répertoire de Cassona a surtout été connu du public français par la radio et la télévision. Outre les œuvres déjà citées, La Meunière d'Arcos, Sept cris sur la mer, Les arbres meurent debout, Le troisième mot, La clé dans le grenier et Les farces du rétable jovial ont, à différentes reprises, eu l'honneur de nos antennes et du petit écran. Presque toutes les pièces de Cassona nous touchent par leur atmosphère tour à tour poétique, mélancolique ou fraternelle. Inès de Portugal, particulièrement, qui fut créée au théâtre au 11e festival de Bellac en 1964 dans une mise en scène de Jean Collomb. Clotilde Joanneau, que vous retrouverez tout à l'heure, y fut une belle, tendre et frémissante Inès. Auparavant, cette émouvante légende dramatique de la Reine morte avait été donnée en version radiophonique sur la chaîne nationale de la RTF en 1957 avec Maria Cazares et François Perrier dans une réalisation d'Alain Barou. Celle d'aujourd'hui porte la marque sensible et intelligente d'Evelyne Frémy. Peu de thèmes ont sollicité autant la fantaisie des romanciers et des dramaturges que celui de la passion, de la mort et de la transfiguration d'Inès de Castro, reine martyre du Portugal. Sans doute parce que la réalité historique, les événements bruts et brutaux que le passé nous présente, s'entrelacent et se fondent avec un des motifs les plus exaltants de la poésie de tous les temps, celui de l'amour plus fort que la mort. Chaque pays et chaque époque ont tourné les yeux vers cette adorable Galicienne dont le sang et la fièvre du cœur teignirent un jour de rouge l'histoire du Portugal. Le thème d'Inès de Castro, après avoir bouleversé le romantisme mélancolique de son terroir, en franchit les frontières, se charge de passion en Espagne, de musique en Italie, de raison en France avec la version de Monterland, de nostalgie baroque en Allemagne. Un érudit portugais, Antero de Figueiredo, relève rien que dans le domaine du théâtre 44 versions différentes de cette histoire et, parmi elles, le texte malheureusement perdu du grand Lope de Vega. Chacun de ces auteurs s'est penché sur l'émouvante figure d'Inès pour en connaître le secret, pour en extraire l'essence la plus émouvante et la plus humaine. Si Alejandro Cassona s'est risqué à reprendre le thème après tant de variantes illustres, c'est avec la conviction qu'il était encore possible d'arracher à l'ombre pathétique d'Inès un ultime secret. Secret qu'il a cru saisir dans sa volonté de martyr et dans le double élan charnel et mystique de son amour. Car seule une passion haussée jusqu'au mysticisme a pu lui donner des forces pour accomplir jusqu'au bout la barbare beauté de son destin. Dans l'Alcazar de Coimbre en 1355. Grande fenêtre sur la vallée du Mondego. Au mur, tenture aux armes du Portugal. L'infante, ses deux dames de compagnie, Léonore et Elvire. L'infante contemple le paysage à la fenêtre, écoutant d'une oreille distraite la proclamation que lit le maréchal de camp. 100 chevaliers disputeront en tournoi l'honneur de porter les couleurs de l'infante. Et 100 damoiselles du plus haut lignage lui feront cortège, couronnées des 3 fleurs symboliques. Ces 3 fleurs symboliques du Portugal sont le romarin, l'œillet et le basilic. Mais si son Altesse préfère les roses d'Espagne... Madame ? Elle n'a sûrement pas entendu. Ou bien elle a l'esprit ailleurs. Lorsque l'infante regarde au loin et sans rien dire, c'est qu'elle se parle à elle-même. Peu importe. Pour les fleurs, j'ai toujours une troisième oreille. Romarin, œillet et basilic. Poursuis. Pendant la durée des fêtes, tous les navires qui prendront la mer hisseront les 2 pavillons. La mer. Toujours la mer. Quelle obsession perpétuelle. À Lisbonne, je le comprends, mais ici, à Coimbre, dans ce palais. Notre roi pense que la mer est une éternelle question à laquelle il nous faudra répondre un jour. Je continue ? Continue. En l'honneur de la glorieuse fiancée, toutes les cloches sonneront à la volée et toutes les demeures de Coimbre se décoreront de blanc avec ornements de noces. Je les vois d'ici. Draps aux fenêtres et drapeaux blancs sur les terrasses. Comme une ville qui se rend. Comme une ville qui se donne. Et ses arbres, eux aussi vêtus de blanc, c'est également un ordre du roi ? Non, ordre de l'été. Ce sont les orangers en fleurs de notre Mondego. Pourquoi votre Mondego ? Parce que c'est notre seul fleuve, portugais de naissance. Les autres nous viennent d'Espagne, comme les femmes de nos rois. Dès que nous avons dû franchir la frontière, les orangers s'avançaient à notre rencontre pour nous recevoir, par tous les chemins. On aurait dit des paysans endimanchés, accourant les bras chargés de fleurs. Les orangers en fleurs sont invités d'office à tous les mariages. Merci, fenêtre de Coimbre et galère de haute mer. Merci, oranger du Mondego. Il est curieux qu'en ce pays, les arbres soient plus galants que certains hommes. L'un d'eux aurait-il osé te manquer de respect ? Hein, tu l'as dit. Son nom ? À quoi bon ? Il est trop haut. Si haut qu'il soit, je suis responsable de ta sécurité pendant ton voyage. Et je ne puis laisser impuni le moindre manquement envers toi. Ne serait-ce qu'une parole. Il ne m'a pas parlé. Un regard ? Il ne m'a pas regardé. Quelle est donc sa faute ? Ne pas me parler, ne pas me regarder, alors que c'était le premier de ses devoirs. Veux-tu encore connaître son nom ? Pardon. À quoi servent tous ces hommages s'il manque le premier qu'on doit à une fiancée ? Où est le prince ? Comment le saurais-je ? Il y a 15 jours que j'ai quitté le Portugal pour aller te chercher. J'ai entendu dire que tu étais son meilleur ami. Si tu veux être aussi le mien, réponds-moi. Où est-il ? Je te jure que je l'ignore. Mais tu le devines, n'est-ce pas ? Ne me demande rien de grâce. Merci. Jusqu'à présent, on m'avait appris à rendre grâce pour des mots, comme une fiancée. Il faut maintenant que je commence à rendre grâce pour des silences, comme une épouse. C'est déjà le second silence que je te dois. Je ne me souviens d'aucun autre. Il y a 3 nuits, dans une auberge de la route, une bande d'étudiants se mit à chanter sous mes fenêtres, une histoire d'amour. Et au moment le plus intéressant, tes hommes les firent taire à coups de fouet. Pourquoi ? Ils t'empêchaient de dormir ? Faux. Les étudiants m'auraient fait perdre le sommeil 1 heure alors que je l'ai perdu depuis 3 nuits à chercher la fin de leur chanson. L'histoire En était-on si intéressante? Pour moi, oui. Elle parlait d'un prince chasseur, comme le tien, et d'une fiancée espagnole qui arrivait. Que disaient donc les paroles? D'Espagne vient la fiancée se rendant au Portugal pour conquérir un château qui est déjà occupé. C'est ça? Je ne sais pas. J'ai une mauvaise mémoire pour les vers. Tu te les rappelles, Elvire? Moi, quand j'entends chanter, je m'endors tout de suite. Et toi, Léonore? Moi, je faisais mes prières. Fort bien, maréchal. Ajoute à ta liste d'hommages un silence de plus. Sa Majesté le roi Don Alphonse. Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur. Madame. Relève-toi, Constanza. Je t'ai fait venir comme père et je te reçois comme fille. La Castille ne pouvait nous faire plus magnifique cadeau. Merci, Monseigneur. Mais avant de m'adresser à toi humblement comme fille et portugaise, laisse-moi pour la dernière fois te parler en face, comme espagnole et comme infante. Je ne comprends ni ce regard ni ce ton. Ce matin, tu étais toute différente. Où est ce sourire qui nous illumina à ton arrivée? Je regrette de l'avoir perdu, mais s'il fait partie de ma dot, je tâcherai de le retrouver. Et ces yeux radieux, remplis de promesses? Et cette émotion de femme comblée? Mon bonheur peut attendre. Non, ma dignité. Une doléance, alors. Elle ne durera que le temps qu'il me faut pour la connaître. Messieurs, laissez-nous. Restez! J'ai été offensée publiquement et ma réponse doit être publique également. C'est bien. Parle. Mon père et mon seigneur, nos deux peuples se sont déchirés dans une guerre fratricide qui s'est terminée hier, mais qui peut reprendre demain. Pour empêcher cela, mon mariage avec ton fils a été décidé. On m'a appelée la fiancée de la paix et je suis venue le cœur plein de joie pour remplir cette belle mission. Mais avant de faire un pas de plus, je dois te rappeler que ce n'est pas la Castille qui a demandé cette union, c'est le Portugal. Et qui sera responsable si maintenant le Portugal me repousse? Que dis-tu? Mon peuple ne t'a-t-il pas reçu les bras ouverts? Je ne me plains pas de ton peuple. Toute la noblesse du pays n'est-elle pas réunie à Coimbra et pour te rendre hommage? Je ne me plains pas de tes dames et de tes gentilshommes. La cour a même abandonné Lisbonne pour t'accueillir à la moitié du chemin. Je le sais. Je sais aussi que tes bateaux, tes villes et jusqu'à tes arbres portent mes couleurs. Mais je ne suis pas venue me marier avec tes navires et tes orangers. Où est ton fils? Ce n'est pas possible. Messieurs, le prince ne s'est donc pas présenté au palais? Il était parti en grande chasse. Et nous avons envoyé des émissaires dans toutes les directions. En ce moment, 40 alguazils le cherchent à son de trompe dans toutes les montagnes. Les bûcherons de la montagne sont descendus me saluer avec des branches de laurier. Connaissent-ils mieux que le prince le langage des trompes royales? Peut-être est-il très loin. Parfois, en poursuivant des loups, il s'enfonce dans la sierra pendant des jours entiers. Vos jeunes filles sont venues des palmeraies de l'Algarve et des forêts du Minot. Comment pourrait-elle devancer le meilleur cavalier du Portugal? Peut-être s'est-il égaré dans les hautes brumes. Ou peut-être est-il blessé dans quelque hutte de berger, ce ne serait pas la première fois. Ce serait préférable. Seule une blessure pourrait l'excuser en pareille occasion. Non, roi Alfonso. En pareille occasion, une blessure ne serait pas suffisante. Le capitaine qui m'apporta la nouvelle de ta victoire dans le Salado avait la voix étouffée par des fautes de sang, mais il ne tomba pas de son cheval avant d'avoir prononcé la dernière parole. Les chevaliers meurent ensuite. Ne le juge pas trop vite. Attends. Je ne puis. Demande-moi d'être patiente quand je serai mariée. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Que veux-tu dire? Que la Castille, pas plus que moi, ne savons attendre. Si avant le coucher du soleil, celui qui m'a offensé n'est venu à réparation, je ne dormirai pas à Coimbra cette nuit. Pardonne-moi, bon roi. Ne t'excuse pas. J'ai toujours aimé ceux qui osent faire ce que j'aurais fait moi-même. Viens dans mes bras. As-tu entendu, maréchal? Il n'y a pas de blessure qui tienne, ni de loup, ni de montagne. Ramène mon fils d'où qu'il soit. Mais, seigneur... Un conseil, maréchal. Ne le cherche pas trop loin. Cette chanson d'étudiant parlait d'un col de cygne, de certains yeux d'émeraude et d'un nid douillet au bord du Mondego, de votre Mondego. Souviens-t'en? Puis-je enfin savoir pourquoi cette histoire t'a intéressé à ce point? Parce qu'on ne m'a pas laissé entendre la fin. Le début, cependant, ne pouvait être plus prometteur. N'est-ce pas, Elvire? J'ai déjà dit que lorsque j'entends chanter... Je sais, tu t'endors tout de suite. Mais maintenant, c'est un ordre. Réveille-toi. Il s'agissait d'un père pris par son devoir et d'un fils rebelle pris par son amour. Amour? Les étudiants disaient amour? Ils disaient ami. N'est-ce pas la même chose en portugais? Ah, c'était cela tes prières. Continue, toi. Je me souviens seulement que le père les séparait et qu'elle habitait en secret près d'une rivière. Et que le galant allait la rejoindre la nuit, galopant avec les fers de son cheval à l'envers pour dérouter les espions. Tes poètes n'ont guère d'imagination. Je connais 100 romances qui commencent de même. Ensuite? Ensuite, le maréchal fit interrompre la chanson à coups de fouet, et me voici, attendant la fin. S'il ne s'agit que d'une simple curiosité, nous ferons appeler ces étudiants. C'est maintenant inutile. Puisque ton fils va me faire le grand honneur de venir me saluer, il me racontera lui-même la fin qui me manque. C'est lui qui doit la connaître le mieux. Et de plus, c'est le seul qui peut encore en changer la chute. Monseigneur, messieurs. Ah, par le sang du Christ, j'ai failli éclater. Qu'on me donne des hommes et des chevaux à mater, mais que Dieu me garde d'une femme offensée. La fille de Castille est orgueilleuse. Ce n'est pas son orgueil qui mérite. Ce sont ses allusions, ses escarmouches d'une personne habile à manier l'aiguille. Que diable signifie cette histoire de fer à cheval à l'envers? L'infante l'a vite comprise. C'est une femme. Et je ne veux ni ne sais deviner les énigmes. Mon fils est donc revenu chez sa maîtresse? Revenu. En fait, il ne l'a jamais quitté. Pourquoi me l'avez-vous caché? Tu avais formellement interdit de parler de leurs amours. Mais maintenant que l'infante est ici, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu à temps? Nous pensions que sa présence, justement, ferait entendre raison à ton fils. Oui, c'est toujours la même chose. Quand il s'agit de son épouse, tout le monde le sait, sauf le mari. Quand il s'agit d'un fils, tout le monde le sait, sauf le père. Ainsi, c'est encore cette femme. Il ne lui a pas suffi d'être exilé de la cour. Ah, pardon. Ce n'est pas elle qui a transgressé son exil. C'est la cour qui est venue à Coimbre, aux portes de sa retraite. Voilà donc la hutte du berger où il gisait blessé. Ne pouvait-il cacher au loin ses caprices et accomplir publiquement ses devoirs? Plaise au ciel qu'il ne s'agisse que d'un caprice, malheureusement. C'est une passion. Un prince n'a pas le droit d'avoir de passion. Hier encore, nous avons été le voir pour t'éviter ce qui arrive. Tout a été inutile. Prières et menaces ne servent à rien avec lui. Cette femme le tient de telle sorte que pour elle, il serait capable de tout, du meilleur comme du pire. Ce sont ses propres paroles. Alors c'est un défi. Parfait. Là où les arguments s'arrêtent, les ordres commencent. Maréchal, ce soir même, avant que le soleil ne se couche, mon fils baisera la main de l'infante, ici, à genoux. D'avis, réponds-lui. Santa Clara sur les bords du Mondego, où habitent Don Pedro et Doña Inés. Il est dommage d'avoir laissé partir cet oiseleur avec ses faucons d'Afrique. Les terres chaudes ne valent rien pour les faucons. Je préfère les miens qui viennent d'Irlande et de Suède. Si tu avais vu cela, obéissant comme des chiens, mais féroces à l'heure du sang, capables d'attaquer aussi bien la palombe dans l'air que la chèvre sauvage dans la sierra. Toujours par traîtrise. Par contre, place ton faucon face à la tempête et enlève-lui aussitôt le chaperon. Celui qui dresse la tête et affronte le vent est un faucon de haut vol. La première condition pour un oiseau de chasse est l'orgueil. Depuis quelque temps, tu cherches chez les animaux des qualités qui appartiennent aux hommes. C'est pourquoi mes meilleurs amis sont mes chevaux et mes chiens. Et maintenant, on ne va pas me dire une fois de plus que je rêve. D'abord les trompes, Puis les drapeaux. Maintenant les cloches. Quelles cloches? Mais toutes celles de Coimbray. Je peux les reconnaître toutes. Le bourdon de la cathédrale. Le carillon de Santa Ana. Celui de Santa Cruz. Et tout près d'ici, la clochette de Santa Clara. Tu entends quelques cloches, Fragoso? Aucune, Seigneur. Oh, vous voulez me rendre folle tous les deux. Et de même, vous ne voyez rien d'extraordinaire de ce mirador, n'est-ce pas? Rien de spécial, sinon l'eau vert sombre du Mondego. Vous ne voyez pas les chemins tapissés de fleurs? Les couples, à cheval, en habits de fête, qui descendent de Sierra Estrella? Coimbray tout entière, revêtue de blanc? Tu vois quelque chose de blanc, Fragoso? Rien, Seigneur. Tout est comme d'habitude. Absolument. Très bien. Maintenant, on va donner à manger au faucon. Celui qui est blessé donne de la moelle moulue avec de la cannelle. Tu as entendu ton mari, Amahan? Oh, ça non! Personne ne va me nier ce que mes yeux sont en train de voir. Tu auras eu des visions. Et mes oreilles, elles aussi ont entendu des visions. Écoute, Amahan, si petite que soit ta tête, tâche d'y faire entrer ceci. Tout ce qui se passe aujourd'hui en dehors d'ici ne doit pas exister. À Santa Clara, cette journée est comme toutes les autres, comme hier. Comme avant-hier, comme demain. Une journée heureuse, comme toutes celles de cette maison. C'est un ordre de ton maître et le mien, compris? Ah, mais Maria pourri, ça marque que le diable m'emporte si j'y comprends quelque chose. Pourquoi ces éperons, Pedro? Tu allais sortir? Un galop dans la Sierra, comme tous les jours. À ta place, je prendrai la direction opposée. La Sierra est toujours là. Par contre, à Coimbra, on célèbre une grande fête aujourd'hui. Je n'aime pas les fêtes, Inès. Je le sais. Mais de là à faire verrouiller les portes pour que personne ne puisse entrer ni sortir... Je ne suis pas non plus curieux et je ne veux pas que mes gens le soient. Merci, Pedro. Merci, pourquoi? Parce que tu ne sauras jamais mentir de ta vie et parce que c'est joli ce que tu veux faire pour moi. Mais à quoi sert de se boucher les yeux? Cette nuit, tu n'as pu les fermer à ma main. Tu surveilles mon sommeil? C'était inutile. J'entendais battre tes tempes comme des coups frappant mon oreille. Tu ne dormais pas non plus. Tu faisais semblant pour m'assurer. Mais tes lèvres remuaient doucement. Tu priais? Je comptais les minutes. Je n'aurais jamais cru que la nuit fût si longue. Je ne pourrais en supporter une autre pareille. Alors tu crois, toi aussi, que le moment est arrivé? Le plus tôt sera le mieux. Si grand que soit le danger, il ne peut être pire que cette angoisse de le sentir s'approcher et de l'attendre sans bouger. J'ai toujours préféré attaquer que me défendre. Mais jusqu'ici, j'avais dû affronter des hommes ou des loups. Aujourd'hui, c'est une femme. Oh, plutôt au ciel que ce ne fût que cela. Avec une femme, la lutte pourrait se décider entre nous deux. Mais l'infante est l'Espagne. Pour moi, il n'y a pas d'autre Espagne que toi. Elle a pour elle la volonté d'un roi, derrière elle deux armées. Toi, tu m'as? Contre ton père? Contre tout le Portugal, s'il le faut. Non, Pedro, cela non! Ton peuple est au-dessus de toi. Tu vas toi aussi me parler de mes devoirs de prince. Je veux d'abord être un homme avec tous les devoirs d'un homme. Tu as un trône qui t'attend. Sans toi, je n'en veux pas. Tu as un destin à accomplir. Mais est-ce ma faute si mon destin est plus grand que moi? Cela fait beaucoup d'obstacles. Quelles sont nos forces pour lutter? La seule véritable que nous ayons, l'amour. Crois-tu que cette fois-ci, ce sera suffisant? Nous avons déjà connu tous deux des moments très difficiles. Que crains-tu donc aujourd'hui? Je ne pense pas seulement à ton père et à l'infante. Je me demande s'il n'y a pas autre chose qui se dresse aussi contre nous. Quelque chose comme une punition de Dieu. Une punition? Pourquoi? Pour excès de bonheur. Je ne comprends pas. Écoute, Pedro, je vais te faire un aveu qui coûterait à toute autre femme. Si le premier soir, au lieu de me jurer un amour éternel, tu m'avais dit qu'il ne s'agissait que d'une seule nuit, je me serais donnée avec la même confiance pour conserver toujours un merveilleux souvenir. Aussi, lorsque tu es revenu le lendemain, j'ai pensé que tu étais un galant homme. Lorsque tu es revenu à nouveau, j'ai cru que tu étais généreux. Ensuite, lorsque tu n'as plus eu à revenir parce que tu n'étais plus reparti, je me suis mise à trembler de la peur délicieuse de quelqu'un qui vit un miracle. Je t'aurais béni toute la vie pour une seule nuit, alors que ce n'est pas une nuit que j'ai eue ni 100 ni 1000, mais 10 années toutes remplies de toi. Puis-je avoir encore plus? Ou existe-t-il un châtiment dans l'au-delà pour ceux qui ont été trop heureux? L'es-tu en ce moment? Pourquoi me le demandes-tu, puisque je suis avec toi? Parce que c'est un bonheur étrange que le tien. Un bonheur qui te remplit les yeux de larmes, comme si tu le vivais déjà au passé. N'est-ce pas ce que vous appelez en portugais saudade? Non, car ce serait le regret d'une absence lointaine. Qu'est-ce qui est loin pour toi? D'autres arbres, un autre langage, un autre pays. C'est trop. Pour une femme, ce qui est loin est tout ce qui se trouve au-delà de ses bras. Saudade, c'est le regret d'un bien perdu. Mais toi, tu n'as encore rien perdu. Ne suis-je pas en train de perdre quelque chose de toi à chaque instant? Le baiser que tu viens de me donner, tes yeux qui se ferment lorsque tu t'endors. Comment pouvons-nous ressentir à ce point les mêmes émotions, tout en étant si différents? Toi, toute tendresse. Moi, toute violence. Nous ressemblons chacun à notre terre. Espagne, un nom de femme. Portugal, de jeune homme. C'est ce qui me fait peur chez toi. La violence? Oui, cette violence qui t'a toujours dressée contre ton père et qui peut causer notre perte. Jure-moi, au moins, que tu ne diras rien qui puisse blesser notre orgueil. Ne t'imagines pas que je vais me jeter à ses pieds en demandant rémission. Même le cerf blessé ne sera en pas sans lutter. Mais que te dirais-je? C'est justement maintenant que j'en ai le plus besoin que les mots que je sens me manquent. Ah, si tu veux me dire les plus beaux noms du monde, répète-moi 100 fois ton nom. Inès de Castro, Inès d'Espagne, Inès de Pedro, Inès du ciel et de la terre. M'en fous, chéri. Maître, le maréchal de la cour demande une audience. Qu'il entre. Depuis quand, mes amis, demandent-ils une audience pour venir jusqu'à moi? As-tu donc oublié, maréchal, dans ton voyage en Castille, que ta place et ton couvert étaient toujours préparés dans cette maison? Merci à vous deux. Mais aujourd'hui, c'est une triste mission qui m'amène. Tu viens du palais? Par ordre du roi, notre maître. Nous l'attendions. J'allais justement partir pour t'éviter le chemin. Allons. Ainsi, sur le champ? Puis-je faire autrement? Je ne sais pas. Il est tellement étrange de te voir obéir. Franchement, j'avais peur d'une de tes explosions de colère, une rébellion. T'en laisser payer les conséquences. Pour un ami, je croyais que tu me connaissais mieux. Partons. Sais-tu seulement quel est l'ordre que je t'apporte? Je le devine et n'ai pas besoin de le demander. Moi, je désire savoir une seule chose. Comment est l'infante? Inès. Pardonne-moi. Cette question peut te paraître mesquine, mais une femme a parfois le droit d'être mesquine. Comment est l'infante? Fière, petite fille de roi et de saint. Et si riche qu'elle peut chevaucher de la Navarre jusqu'à Grenade en couchant chaque soir dans un de ses châteaux. Je ne te demande pas son lignage ni sa richesse. Généreuse, comme les forts, loyale avec l'adversaire. Je ne te demande pas ses vertus. Elle est portée à la lecture et à la rêverie. Ne cherche pas, maréchal. Inès te demande simplement si elle est belle. Je suis un vieux soldat peu compétent en la matière. Et ton escorte comprenait plus de 20 capitaines, tous jeunes. Que disait-il? Bon, pour les jeunes, tout ce qui est nouveau est beau. Surtout s'il vient de loin. Répondons sans détour. Pourquoi tiens-tu tellement à le savoir? Mais parce que ce serait trop injuste. Elle est infante de Castille, marquise de Villena, duchesse de Peñafiel et souveraine de 100 seigneuries. Elle a contre moi tout ce qu'elle est, tout ce que sont les siens et toutes les forces de 2 peuples. Et cela ne lui suffit pas? Est-il possible, outre cela, qu'elle soit belle? Réponds. Oui, Inès. En outre, elle est belle. Merci, maréchal. C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu, madame. Au revoir, ma chérie. Non! Non, Inès. Laisse-moi emporter une image forte de toi. Pardonne-moi. J'ai eu tout d'un coup le pressentiment que je te voyais passer cette porte pour la dernière fois. Douterais-tu de moi? De toi, jamais. Je voulais seulement te dire que si, malgré tout, ils sont les plus forts, et que tu ne puisses plus revenir, ne regrette jamais rien. Tu m'as donné tellement de bonheur que même si j'avais encore 100 années à vivre seule, il ne me resterait pas suffisamment d'heures pour te remercier de celle que tu m'as donnée. Merci, mon amour. Oh, mon Inès. Ce soir, prépare la table comme pour une fête avec le vin de la première fois. Ce sera comme si nous recommencions tout. Attends ! Emmène-moi avec toi. On dit qu'une reine est arrivée à Coimbra avec son cortège pour se marier. Je veux la voir. Non, car tu as encore affaire ici. Pourtant, tous les enfants y vont. Mais toi, tu n'es plus un enfant. Veux-tu me faire une grâce, comme un homme ? Demande. Ta mère a peur. Reste avec elle. Salle de l'Alcazar de Coimbra. L'infante vient de se retirer dans son appartement pour se reposer. Elle demande que pour aujourd'hui, on ne l'oblige pas à recevoir d'autres hommages. Sauf naturellement pour une seule exception. On dise à l'infante que cette exception vient d'arriver. Je te regarde, Pedro, depuis que tu as passé cette porte. Et je ne t'ai jamais senti aussi loin de moi. C'est comme si j'avais perdu quelque chose de moi-même sur la route. C'est toi qui m'as éloigné de toi. Peut-être te pesais-je trop. Ne cherchons pas maintenant lequel de nous est le plus coupable. Le moment est suffisamment grave pour oublier les vieux ressentiments. Essayons donc de nous entendre loyalement comme un père et un fils. Pourquoi pas simplement comme deux hommes ? Si tu veux. Thomas, jusqu'ici j'ai fermé les yeux sur tes frasques de jeunesse. Tu t'es senti à l'étroit à ma cour de Lisbonne. Je t'ai permis de tenir la tienne au dehors. Tu t'es plaint de ma tyrannie. Je t'ai laissé une entière liberté de gaspiller et de courir les sangliers et les filles. Mais l'heure est venue de clore ce chapitre. Combien de temps encore vas-tu offrir à ton peuple l'image d'un fils rebelle et d'un prince sauvage ? J'ai besoin d'espace. Je vais tes courtisans qui murmurent dans les recoins, toujours pliés en deux comme s'ils cherchaient leur dignité sur les tapis. Je les méprise aussi. Mais crois-tu que ceux qui t'entourent soient moins serviles ? Les miens parlent à haute voix, regardent en face et ne baissent jamais la tête. Parce qu'ils savent que c'est ce qui te plaît. C'est une autre forme d'hypocrisie. Comme tu les connais mal. Es-tu sûr de les connaître mieux ? J'ai appris avec mes bêtes. Je les recherche nobles comme mes chevaux, fidèles comme mes chiens, fiers comme mes faucons. Très bien. Je suis heureux de voir qu'en pleine jeunesse, tu en sais plus long sur les hommes que moi à la fin de ma vie. Or, ce n'est pas des hommes que nous avons à parler, mais d'une femme. Inès de Castro. Inès de Castro. Je regrette qu'il s'agisse d'elle. Bien que bâtarde, elle est de notre sang et, dans le fond, je lui ai toujours voulu du bien. Tu as une manière bien curieuse de démontrer ton affection. La seule fois que tu t'es occupé d'Inès, ce fut pour l'exiler. Je n'ai jamais permis à mes courtisans d'avoir des maîtresses. Je ne pouvais donc l'admettre pour mon fils. Moi-même, j'ai été toute ma vie l'homme d'une seule femme. Moi aussi. M'en connais-tu une autre ? Ne le proclame pas comme si c'était une vertu. Fidélité n'en est pas une. Si, mais comme toutes les tiennes. Généreux pour tes plaisirs, courageux pour tes aventures, fidèle pour tes maîtresses. Tu ne possèdes aucune vertu qui ne soit pour satisfaire un vice. Si Inès est mon vice, comme tu dis, c'est toi le responsable. Moi ? M'aurais-tu permis de l'épouser ? J'espère que tu n'en as jamais eu l'idée. Je demande seulement, l'aurais-tu permis ? Tu ne peux avoir d'autre volonté que le bien de ton peuple. Le mariage d'un prince n'appartient pas à sa vie privée. Ce n'est pas ma vie privée que je défends, c'est celle d'Inès. Inès, toujours Inès. Tu arrives au moment le plus grave de ta vie et tu n'as qu'un mot à la bouche, Inès, Inès. Mais que diable t'a donné cette femme ? 10 ans de bonheur. Oh, je connais ce refrain, l'amour. Joli prétexte pour les femmes et les troubadours, mais trop mince en pareille circonstance. Si l'amour te semble insuffisant, tu n'as pas pensé aux autres liens qui peuvent unir un homme et une femme ? Aucun qui ne puisse se défaire. Sais-tu que nous avons des enfants ? Le sais-tu ? Oui. Et cependant, tu n'as pas eu la curiosité de les connaître. Je sais qu'ils grandissent sains et forts. En dehors de cela, ils n'ont pas besoin de moi ni moi d'eux. Laisse-moi te poser une question, la dernière. Parle. La nuit, lorsque tu glisses ta pauvre chair entre tes draps glacés, tu n'as jamais rêvé à la chaleur d'un petit-fils. Une seule fois. Et je n'aime pas m'en souvenir. Le présage était donc si mauvais. J'ai vu un enfant lutter contre un lion. L'enfant était nu, sans autre défense que sa pureté. Et pourtant, il terrassait le lion, rien qu'en le regardant. Je n'en comprends pas la signification. Moi, oui. Régner n'admet pas de faiblesse. À mon âge, alors que je suis dur pour les hommes et vieux pour les femmes, le seul danger pour moi ne peut être qu'un enfant. Aussi, depuis ce rêve, je ne demande plus à Dieu de ne pas me laisser tomber en tentation. Je lui demande simplement de ne pas me laisser tomber dans la tendresse. Comprends-tu maintenant ? Maintenant, oui. Alors, de par Dieu, Pedro, n'oblige pas le vieux lion à combattre un innocent. Éloigne de moi tes enfants. C'est bien. Tu ne les connaîtras pas. Je te remercie quand même. Il y avait si longtemps que je n'avais entendu une parole humaine sortir de toi. As-tu pensé à ce que tu vas faire, Dinès ? Pourquoi ? Puisque tu m'as fait venir, je suppose que c'est pour me communiquer ce que tu as décidé, toi. D'abord, en finir avec cette situation. Inès va commencer une nouvelle vie, dans l'un de mes châteaux, mais loin, à la frontière de sa Galice, si possible. C'est un nouvel exil que tu lui offres ou une prison de luxe ? Une retraite paisible avec une dotation des terres et des gens. Elle vivra sur son domaine, unique souveraine, avec ses enfants et les serviteurs qu'elle aura choisis. Si elle est ambitieuse, elle aura même un titre. Splendide ! Le cadeau est royal ! Mais j'ai peur qu'en dehors de moi, elle n'accepte quoi que ce soit d'un autre homme. Je n'ai pas parlé de cadeau. C'est un dédommagement, c'est pire. Je connais mieux les femmes que toi. Pour un peu d'amour, elles exigent une fortune. Pour tout l'amour, elles n'acceptent rien. Alors tout dépend de toi. Crois-tu qu'Inès hésiterait devant le plus grand sacrifice si c'est toi qui le demandait. Elle irait à la mort les yeux fermés. Eh bien. C'est pourquoi je ne puis le lui demander. Contre tous les deux, tout ce que tu voudras. Contre elle seule, rien. Elle te tient si bien. Plus que tu ne le crois. Par toutes les fibres de mon être. Tais-toi ! Ce langage indécent n'est pas digne d'un homme. Tu ne le disais pas quand je combattais à tes côtés. M'as-tu jamais vu reculer d'un pas ? C'est ce fils que je voudrais, aujourd'hui, avoir en face de moi. Tu étais alors un profil de bronze. Regarde ce que tu es devenu ! Un ventre de femme. N'insulte pas celui qui ne peut se défendre. Défends-toi, je te l'ordonne. Que je vois le mal que tu portes en toi. L'infant va entrer. Je veux une réponse sur l'heure. Je n'ai qu'une réponse à toutes tes questions. Inès. C'est ton dernier mot. Le premier et le seul. C'est bon, Pedro. Tout ce que nous avions à nous dire d'homme à homme est dit. Maintenant, c'est ton roi qui va parler. Bien, Seigneur. Inès va se mettre en route immédiatement. Ta place, désormais, est auprès de l'infante. Tout homme ou femme qui s'opposera à ce mariage sera considéré comme ennemi du Portugal. Père ! J'ai dit ! Nous avons terminé. Son Altesse, l'infante de Castille. Approche, ma fille. Prince Dom Pedro, j'ai l'honneur de te présenter à ton épouse, l'infante Constanza Manuel. Plaise à Dieu que tu saches devenir digne d'elle. Madame. Et maintenant, mes enfants, je vous laisse. Toute présentation était inutile. Car on m'a tellement parlé de toi pendant tout le voyage que je t'aurais reconnu du premier coup. On m'avait donné à moi aussi un bon conseil pour te reconnaître. Parmi 100 femmes, cherche la plus noble. Et parmi 100 nobles, cherche la plus belle. Merci. Je sais que la galanterie est votre langue maternelle, mais dans notre cas, je crois qu'il vaut mieux commencer à l'envers, comme pour les cerises. Quelles cerises ? Une habitude de mon enfance. Les amères d'abord, les douces pour finir. C'est notre première entrevue. Pourquoi crois-tu qu'il y aura des paroles amères? Je crois qu'il faudra qu'elles viennent d'un jour, et pour moi le plus tôt c'est le mieux. Tu es courageuse. Je suis loyale, et j'espère que tu l'es aussi. Bon, je préfère qu'il en soit ainsi. Je ne voudrais pas t'avoir offensée en me présentant devant toi le dernier. N'en parlons plus. J'ai déjà reçu officiellement toutes les excuses possibles. Tu étais au loin dans une partie de chasse. Non, je n'étais pas à la chasse. Tu t'étais perdu dans le brouillard au milieu des montagnes. Non plus. Je connais mes montagnes pouce par pouce. Alors je ne me souviens plus. Une chute de cheval, une blessure. Ni blessure, ni cheval. Pour que je faillisse à un rendez-vous de femme, il ne pouvait y avoir qu'une seule force supérieure. Une autre femme ? Tu le savais ? Non. Je me rappelais une chanson d'étudiant, où il était question d'yeux d'émeraude et de petits nids cachés au bord du fleuve. Mais je suis sûre qu'il ne peut s'agir de toi. Et pourquoi cette assurance ? Parce que c'est l'histoire d'un pêcheur incapable de s'amender. Comment pourrais-je croire qu'il s'agisse d'un prince qui compte parmi ses ancêtres Sainte Isabelle d'Aragon, Saint Umberto de Savoie et Sainte Élisabeth de Hongrie ? Pour cette même raison, madame. Une famille qui a donné tellement de saints peut bien se permettre le luxe de créer un pauvre pécheur. Alors tu ne veux rien nier ? Le scandale, la rébellion, les femmes ? Les femmes, non. Une seule. Je n'avais pas l'intention de t'en parler. Ta parole m'affirmant que tu as définitivement rompu avec elle me suffira. Je te jure que je souffre de te faire de la peine. Mais il est préférable que tu le saches tout de suite. Quoi qu'il puisse arriver, il n'y a pas de force humaine capable de me séparer d'Inès. Épouvantable. Épouvantable. Tu crois, toi aussi, que ce langage est indigne d'un homme ? Ce n'est pas toi qui m'épouvante. C'est moi. Je n'ai pas dormi à la pensée de ce qui pourrait m'arriver si nous en venions jusque-là. Et j'avais tout prévu, sauf ça. Je m'imaginais les mains frissonnantes de colère, l'orgueil blessé à vif, les genoux tremblants pour ne pas plier. J'allais jusqu'à prévoir une sorte de honte et même de douleur. Mais non, je suis calme. Je n'éprouve ni honte, ni douleur. Seulement une peine infinie, pleine de questions. Lesquelles ? Sur un plateau de la balance se trouvent ton roi et ton peuple. Sur l'autre, il n'y a qu'une femme. La femme pèse donc davantage ? Si tu avais aimé une seule fois, tu ne le demanderais pas. Mais alors quelle femme extraordinaire est-ce là ? Il n'est nul besoin d'être extraordinaire. Ce qu'il y a de mieux dans les miracles, c'est qu'ils n'ont pas besoin de justification. Elle est noble ? Moins que toi. Belle ? Les chansons parlent de son col de cygne et de ses yeux d'émeraude. Son nom ? Inès de Castro. Espagnole ? Galicienne. Ce qui est la plus jolie façon de commencer à devenir portugaise. Elle ne peut cependant être une femme comme les autres. Elle doit avoir quelque chose de mystérieux, de fascinant. Oui. Elle aime filer et tisser avec ses paysans. Pleurer pour elle seule. Et rire pour tous. Vendanger ses vignes. Et pétrir son pain. En dehors de cela, il lui reste 24 heures par jour pour aimer. Je ne comprends pas. C'est encore trop tôt. Et maintenant que nous avons fini avec nos cerises amères, puis-je te faire une demande avant de me retirer ? Parle. Je suis sûr que nous aurions été de bons amis. Et puisque la vie ne nous en donne pas le loisir, promets-moi au moins que nous serons de bons ennemis. De toute mon âme. Merci, Constanza Manuel. Elvire! Léonore, vous avez entendu, je suppose. Oh, plutôt ciel, n'avoir jamais écouté. Alors à quoi bon parler? Deux bons ennemis prêts à s'affronter dès maintenant. Quand a lieu cette partie de chasse que nous offre le roi? Demain, à Monte Esperanza. Une battue au sanglier. Tu vas avoir à prouver que tu es ma meilleure amazone, Léonore. Écoute bien. Demain, au passage du Mondego, tu feras cabrer ton cheval pour attirer l'attention. Puis aussitôt, comme s'il prenait le morodant, tu te lanceras au galop en appelant au secours. Tous se jetteront à ta poursuite et tu les entraîneras dans la montagne le plus loin possible. Et toi, tu vas rester toute seule, en pleine campagne? J'ai une autre chasse en vue. Plus attrayante. Un cygne blanc au bord du fleuve. Elle! Dieu veuille que tout cela ne provoque aucun malheur. Qui parle de malheur un jour comme aujourd'hui? Entends-tu pas ces cloches qui sonnent dans mon honneur? Et ces fenêtres décorées, et ces drapeaux, et ces orangers en fleurs? Et les navires de haut bord? Le Portugal tout entier a mis ses vêtements de fête pour ma noce. Que puis-je désirer de plus? Oh, tiens. Jette ce collier et m'étouffe. Mais madame, des émeraudes si belles. Je ne veux plus le voir. On dirait des yeux de femme. Manoir de Santa Clara. Fragoso, maître, mon baudrier et mon poignard. Merci. Écoute. Il était temps de partir en chasse, le soleil est déjà haut et a dû sécher toutes les brisées. Ils entrent maintenant dans le bois. Tu peux les rejoindre facilement au passage du fleuve. Ils prennent le pont? Non, le guet. Je l'aurais parié. Les femmes et les chevaux adorent passer dans l'eau. Ceci pour boire, celle-là pour s'admirer. Tu crois que leur coquetterie va jusque-là? Je pourrais même te dire comment elles sont habillées sans les voir. Je gage même qu'aucune ne porte de bleu ni de jaune. Pourquoi cela? La campagne. Ce sont les couleurs qui se marient le moins bien avec le vert. Elles finiront par transformer les parties de chasse en balles déguisées. Ah, oh, salon! Par les quatre évangélistes! Que dis-je? Par les quatre évangélistes, par les 12 apôtres, les 11 000 vierges. Non, non et non. J'aimerais mieux perdre la vue que de voir pareille chose. Père Maranta, si elle n'est pas une question d'arithmétique, de quoi te plains-tu? Ah, mon maître, si ce n'était que de me plaindre. Quelque malheur? Si ce n'était qu'un malheur. Une catastrophe? La pire de toutes. Cet enfant qui est toute ma vie. Et maintenant, tout à coup... Juan, il est arrivé quelque chose à Juan. Au petit? Comment, Seigneur? Il serait arrivé quelque chose au petit et je serais encore en vie. Un accident, une blessure. Comment? Une blessure? À mon ange! Et je resterai là, tranquille. Finissons-en. Qu'y a-t-il avec l'enfant? Il y a qu'il ne m'aime plus, Seigneur. Je viens d'en avoir la preuve à l'instant. Que de tonnerre pour peu de pluie. Tu vas en finir. Cela vous semble peu de chose. Mais moi qui donnerais ma vie pour lui, me voir repousser ainsi. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime plus. Qui ne t'aime plus dans cette maison, Amaranta? L'enfant, madame. Il suffit qu'une chose me contrarie pour qu'il s'amuse à la faire. Peut-on savoir enfin quelle atrocité il a imaginée aujourd'hui? Il m'a chassée de sa chambre et l'a fermée d'un coup de pied. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Je voulais le déshabiller pour le baigner. Et il s'est défendu comme un petit lion. D'abord, j'ai cru qu'il s'amusait, mais bientôt il m'a parlé sur un ton que je ne lui avais jamais entendu. Plus de femme, m'a-t-il dit. Désormais, je me baignerai tout seul. C'est tout. Tu peux dormir tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Mais qu'il grandit. Allez, va le rejoindre. Mais un conseil, avant d'entrer, frappe à la porte. J'irai parce que madame me l'ordonne. Mais moi, maintenant, je suis éliminée. Bientôt, ce sera ton tour. Et un beau jour, commenceront les autres femmes. Pourquoi grandissent-ils, mon Dieu? Amaranta a raison. Désormais, chaque pas qu'il fera sera pour s'éloigner de moi. Pauvre femme. La peur de perdre ce que vous avez vous empêche d'en profiter tranquillement. On dit qu'il n'y a pas de médaille sans revers. Deviendrais-tu triste tout d'un coup? Tu avais en entrant les yeux remplis de joie. Je venais de recevoir un cadeau de toi. Je t'ai fait un cadeau, aujourd'hui. Il y a longtemps. Je le croyais perdu et en le retrouvant dans ce coffret, ce fut une heureuse surprise. Comme si tu me l'offrais une seconde fois. C'est un cadeau tellement précieux. Inestimable. Un bijou. Bien mieux. Un souvenir avec une date. Tu devines? Ce sera facile. Nous avons en tout 3 dates inoubliables. 3, pas plus? 3. La première, la dernière et les autres. Eh bien, ce n'est pas la première. Ni la dernière. Non plus. Diable, ça va être trop compliqué. Les autres sont si nombreuses. Une, mémorable entre toutes. Ici? Loin. Une gerbe de blé sur la route d'Evora. Mieux. Une barque la nuit sur les salines du Douro. Mieux. Pense au plus beau jour de notre vie. Mais nous en avons eu tant. Pas comme celui-là. Aide-moi un peu. Nord ou sud? Nord. L'hiver. Une ville recouverte de neige. Tu as dit, elle s'est habillée de blanc pour toi. N'ajoute rien. Il y a 7 ans, à Bragance, le 1er janvier. Enfin. Tu veux que je te répète le serment? Inutile. Merci, mon amour. Et le cadeau? Cette chanson écrite de ta main. J'ai fait des vers quelquefois. Nous l'avons trouvé commencée, peut-être par ton grand-père, le roi Dionys. C'est ce qu'on appelle dans Magalis une chanson d'amis. Et c'est pour cela que tu l'as terminée pour moi. Tu t'en souviens maintenant? Si tu commences, oui. Mes yeux courent sur la mer, ils recherchent Portugal. Tes yeux courent la rivière, ils recherchent mon ami. Tes yeux parcourent le ciel, le ciel. Il recherche mon amant. Où tes yeux s'arrêteront? Sur les yeux de mon galant. Monseigneur! Monseigneur, le cheval d'une femme de l'infante s'est emballé et il l'entraîne comme la foudre vers le ravin. Et les chasseurs? Loin, derrière, dans la vallée, au milieu de cris et des aboiements. Ils ne réussiront qu'à l'affoler davantage. Imbécile, il faut lui couper la route. Toi par la crousse des piédras, moi par les 3 châtaigniers, viens! Pedro! Pedro! Saint Cristobal, patron des voyageurs, protège-le-moi. Saint Huberto, patron des chasseurs, protège-le-moi. Santa Maria Gloriosa, notre espérance, protège-le-moi. Amen. Amaranta! Madame? Prends garde aux enfants, jusqu'au retour des hommes, que personne ne sorte. Bien, madame. Bragance, 1er janvier. Elle remet le parchemin dans le coffret au milieu des autres souvenirs. Derrière elle apparaît, dans l'encadrement de l'entrée, l'infante en Amazone. L'infante regarde Inès, les yeux fixes. Qui va là? Inès de Castro. De quel droit entres-tu ainsi dans ma maison? Ta maison? Excuse-moi. L'on m'aura mal informé, mais l'on m'a dit que c'était celle du prince Pedro. Et c'est pourquoi je pensais être en mon droit. Je comprends. Tu es Constanza Manuel. Mesdames m'appellent par mon titre et s'inclinent pour me saluer. Je ne l'exige pas, mais j'en suis honorée. Dieu garde l'infant. Qu'il soit avec toi, Inès. J'aime la maison et l'endroit. C'est donc ici le manoir de Santa Clara. Ici même? Si je me souviens bien, il a été construit par la reine sainte pour que les princes de sa maison puissent y habiter avec leurs épouses, n'est-ce pas? Je ne sais si le testament dit les épouses ou simplement les femmes. Je sais, moi. Il dit textuellement leurs épouses légitimes. Je vois que tu as étudié de près l'histoire de la famille. Elle m'intéressait beaucoup puisqu'elle doit devenir la mienne. Et toi, laisse-moi te regarder. En entrant ici, je ne sais quel miracle j'attendais. Une révélation, un éblouissement. Que sais-je? Maintenant que je t'ai vu de près, ne te fâche pas si je te dis que je suis déçue. Je le regrette. Tu as deux yeux immenses, mais un royaume est plus grand encore. Tu es belle, mais moins que le pouvoir, l'ambition, la gloire. Quel est donc ton secret? Il n'y en a pas. En amour, peu importe comment tu es, sinon comment te vois. Je ne sais à travers quels vers embellissants te voit Pedro. Mais moi qui ai connu des reines, des héroïnes, des saintes, je te vois tellement banale. Une simple femme qui ne cherche qu'à être une femme. Merci, infante. Tu ne pouvais me dire rien de plus agréable. Pour toi, peut-être. Crois-tu que cela lui suffise à lui? Jusqu'ici, Pedro n'a pas eu besoin d'autre chose. Pedro? Tu ne crois pas qu'il est déplacé de l'appeler par son prénom devant moi? Pardon. C'est une mauvaise habitude que j'ai contractée au Portugal ces 10 dernières années. Attention, Inès, je peux pardonner beaucoup de choses, pas l'insolence. Est-ce ma faute si je réponds sur le même ton qu'on me parle? Prends garde, te dis-je. Je suis venue avec de bonnes dispositions, ne me les fais pas regretter. Qui t'a demandé de la compassion? Nous ne sommes plus que deux femmes se disputant un homme. Mesurons-nous d'abord et nous verrons ensuite laquelle peut s'offrir le luxe d'être bien disposée. Me mesurer avec toi, non, ma pauvre Inès. Rien ne me passionne comme un défi, mais en l'occurrence, ce serait lâcheté que de le relever. J'ai trop d'armes et toi aucune. Pourquoi es-tu venue alors? Te donner un conseil. Tu foules un sol plus dangereux que tu ne le supposes. Pour ton bien et celui de Pedro, quitte cette maison aujourd'hui même et va te cacher très loin. C'est sûrement un conseil très prudent, mais la prudence et l'amour ne vont guère ensemble. Si le conseil ne te suffit pas, je puis le transformer en ordre. Et si je n'obéis pas davantage aux ordres? Je t'en supplie, ne m'entraîne pas où je ne veux pas aller. Sais-tu que je peux te faire déporter en Castille? Oui. Sais-tu que je peux te faire enfermer pour la vie? Oui. Et tu n'as pas peur? Non. Car exilée, prisonnière ou morte, tu ne pourras me l'enlever. Que gagnerais-tu à me chasser du Portugal si tu ne peux me chasser de Pedro? Qu'importe que tu puisses m'ôter la vie si tu ne peux m'ôter de la sienne? Et tu n'as pas imaginé que je puisse te causer un mal plus grand encore? Pire que la séparation? Pire pour toi que la mort elle-même. Mon engagement avec Pedro a été signé par les cours de Portugal et de Castille. Il suffit que je l'exige pour qu'il prenne force de loi. Contre sa volonté? Et qu'obtiendrais-tu de la sorte? Tu n'as pas encore compris? Réfléchis, Inès. Réfléchis. Nous allons échanger nos rôles, ce joli rôle de victime qui te plaisait tant. Jusqu'à présent, c'était moi qui venais du dehors envahir un foyer paisible. Et toi, tu étais la pauvre amante trahie. Peu à peu, c'est moi qui vais être la femme trahie et toi l'usurpatrice, l'intruse, la voleuse. Non, ça non, tu ne peux faire cela de sang-froid. Enfin, je te vois pâlir. Tu le vois maintenant, tu le vois, n'est-ce pas? J'aurai ton Pedro sans amour, mais attaché à ma ceinture. Je l'aurai froid, mais dans mon lit. Tu ne feras pas cela! Qui peut m'en empêcher? Ta propre dignité! Tu es trop fière pour servir à ta table ce qui tombe de la mienne. Me donnerais-tu des leçons de dignité, toi? As-tu oublié qui je suis? C'est toi qui l'oublie avec cette pensée ignoble. Assez, assez, ou je te marque au visage. À genoux, Inès, à genoux. Ainsi? Ainsi. Chacune de nous à sa place. Eh bien, de ma place, je te le dis sans cri ni amertume. Toi avec tes milliers d'esclaves, moi avec mon seul esclavage, je suis plus forte que toi. Toi sur un trône, moi à genoux, je suis plus haute que toi. Et maintenant, frappe sans crainte. Ne m'enlève pas cette occasion de souffrir pour lui. Pauvre femme. Pardonne-moi ce spectacle ridicule. J'ai pleuré parfois toute seule, jamais devant qui que ce soit. Est-ce uniquement tes larmes qui te font rougir ainsi? Tout. Ma fausse supériorité, ma pauvre arrogance brisée en morceaux, et surtout ces paroles ignominieuses que je viens de dire. Ce n'était pas toi qui parlais, mais ton désespoir. Tu peux être fière. Je suis venue t'affronter avec toutes mes armes. Et toi, tu n'as eu besoin d'aucune. J'avais la seule qui convenait dans cette lutte. L'amour. L'amour. Toujours l'amour. Depuis mon arrivée au Portugal, je ne fais que me heurter à ce mot, sans parvenir à le comprendre. Qui a la clé de ce mystère? L'as-tu, Inès? Aide-moi, puisque je n'ai pu l'éprouver, aide-moi au moins à le comprendre. Mais ce serait pour toi très difficile. Est-ce donc si compliqué? Clair et simple comme l'eau. Mais peut-on expliquer l'eau? Dis-moi, entre tous tes gentilshommes de Peñafiel, tu n'en as jamais remarqué un qui te paraisse supérieur aux autres? Un seul auquel tu aurais voulu, toi la grande dame, plaire et obéir. Il n'en existe pas de semblable. Peu importe, ferme les yeux. Alors l'amour, ce n'est que ça? Un aveuglement? Non, une autre manière de voir. Imagine-toi confondu en lui, jusqu'à ce que tu disparaisses toi-même. Que son froid te gèle, que sa fièvre te brûle, que son départ te meurtrisse comme une déchirure, au point que, si on lui coupe la main, ce soit la tienne qui saigne. L'amour est donc une folie? Non, une autre façon d'avoir raison. Je ne te suis plus. Je comprends ces paroles quand elles s'appliquent à l'âme. Mais à l'autre? Quel autre? Les livres parlent de l'âme et du corps comme de deux ennemis. Jette ces livres. Dans l'amour véritable, le corps et l'âme forment une seule chose, indissoluble. Quand Pedro m'étreint, mon âme prend peu à peu la forme de son corps. Et quand au matin il s'en va, je reste vide. Comme le vêtement que le nageur abandonne sur la rive, gardant sa chaleur et sa forme. Mais te rends-tu compte de ce que tu dis? N'as-tu aucune pudeur? La pudeur, c'est avant et après. Inutile. J'essaie de te suivre, c'est une autre langue, un autre monde. Je t'avais prévenu. Il est plus facile de boire que d'expliquer l'eau. Alors je dois me résigner à ne jamais savoir. Retourne à ta cour et espère. Lorsque l'homme de ton destin paraîtra, tu le reconnaîtras entre tous. Les autres te feront mille discours et parviendront à peine à te faire sourire. Lui, au premier mot qu'il te dira, tu te mettras à trembler. Ce jour-là, tu commenceras à comprendre. Les gens sont à ma recherche, il ne faut pas qu'on me trouve ici. Par derrière, il y a une sortie sur le bois. Je ne puis, mon cheval est à la grande porte. Dans ce cas... Adieu. Adieu. Sans rancune? Sans rancune, mais avec peine. Pour toutes les deux. Le roi. Constanza. Seigneur. Constanza. Toi, dans cette maison? Ne viens-tu pas m'y chercher? Je ne venais pas pour toi. Pour elle, alors? Dans ce cas, un seul mot. N'engage pas ton autorité inutilement. Nous avons tous les pouvoirs sauf un. Celui-là leur suffit. Je n'ai pas besoin de conseils, je sais ce que j'ai à faire. Pardon. Merci, Inès. Jamais je ne me suis sentie si humble et si petite comme aujourd'hui devant toi. Cependant, je te dis merci. Adieu, infante. Sans titre, je te prie. Adieu, Constanza. Adieu, Inès. Monseigneur. Incroyable. Et voilà cette Castillane orgueilleuse que j'ai connue hier. Inès, qu'as-tu fait pour la réduire ainsi ? Rien, Seigneur. Tu lui auras parlé de ton foyer, de ta vie brisée, et surtout de l'éternelle fable dans laquelle vous vous complaisez, vous, les femmes, l'amour. De cela, oui. Et naturellement, elle s'est sentie sublime et elle a choisi le chemin du renoncement. Sur le plan féminin, solution parfaite. Sur le plan politique, désastreuse. Heureusement que la décision ne dépend pas d'elle. Inès, approche-toi. Pourquoi me regardes-tu ainsi, roi Alfonso ? Tu crois, toi aussi, que j'ai envoûté ton fils par mon regard ? Non. J'étais en train de me demander comment je pouvais si bien me souvenir de toi, alors que je ne t'ai vu qu'une ou deux fois, tout au plus. Trois, exactement. Comment le sais-tu avec une telle précision ? Parce que chaque fois, tu m'as fait un cadeau inoubliable. Le premier, ce fut le jour de ma présentation à la cour. Au moment où je baisais ta main, ton fils s'est approché et tu m'as présenté à lui. Et que t'ai-je offert ce jour-là ? Le premier regard de Pedro. Je ne pensais pas qu'il me coûterait si cher. Et le second cadeau ? Ce fut au cours d'une partie de chasse. Un sanglier furieux blessa Pedro d'un coup de boutoir et tu me le confias pour le soigner. Joli présent. Merveilleux présent. Car la plaie était profonde et fut longue à se fermer. Au début, c'était sa blessure. À la fin, c'était devenu notre cicatrice. Et la troisième ? C'était dans ton palais de Lisbonne, un soir de fête. La grande table du banquet, les torches, la musique. Pedro s'était mis en tête de danser avec moi devant toute ta cour et m'enleva de force de mon siège. Je me souviens de toutes tes vieilles dames scandalisées. Je me souviens de tes yeux fixes et sans voix étouffée, murmurant « Elle, elle, elle ». Tu te levas aussitôt et tout se brisa comme un verre de cristal. Le lendemain, je recevais un précieux parchemin revêtu de ta signature. C'était un ordre d'exil. Mémoire prodigieuse. Parfois, je pense que vous, les femmes, ne vivez que pour vous souvenir du meilleur comme du pire. Nous aimons avoir toujours quelque chose en réserve pour le lendemain. Aussi, Seigneur, j'attends aujourd'hui un nouveau cadeau de toi. Je regrette d'avoir encore à te faire mal. Bien qu'étrangère et née hors de la loi sacrée, tu es ma nièce. Bien qu'un peu tard, merci de le reconnaître. C'est à toi de ne pas l'oublier et de te montrer digne de cette parenté. Ce que je viens te demander aujourd'hui est un grand sacrifice. Si grand qu'il soit, je ne peux rien refuser à mon roi. Sauf une seule chose. J'ai grand peur que ce soit justement celle-là. Ton fils. Hier, il s'est déclaré en rébellion ouverte. Et je crains que nous n'en venions aux extrêmes. Tu accepterais pour toi cette responsabilité ? Que puis-je faire ? Le supplier de se séparer de moi ? Quelque chose de plus prompt et de plus efficace. Un soir, demain, à son retour, Pedro peut trouver sa maison désertée. Fuir ? Mais où ? Est-il un lieu de la terre où Pedro ne viendrait me rechercher ? Pas de mots inutiles. Un seul suffit. Es-tu disposé à une séparation, oui ou non ? Un seul mot, dis-tu ? Il n'est nul besoin de plusieurs. Dans ce cas, bon roi, ce sera non. Par ton âme, Inès, ne m'oblige pas à te traiter comme je le ferais avec un homme. Pense que tu peux tenir dans tes mains la paix ou la guerre entre deux peuples. Ma seule paix, ma seule guerre, se nomme Pedro. Jusqu'où va aller ta folie? Réveille-toi! Tu as vécu 10 années de fièvre. Réfléchis maintenant comme le ferait une épouse, une mère. Je ne peux. D'autres femmes aiment leurs enfants parce qu'ils sont la chair de leur chair. Moi, parce qu'ils sont sang et chair de Pedro. Je ne sais si je dois en avoir honte ou m'en vanter, mais après 10 ans et 3 enfants, je ne me sens ni épouse ni mère. Je me sens 4 fois amante. Je ne peux croire à tant de sérénité et à tant d'obstination à la fois. Donne-moi ta main. Regarde-moi dans les yeux. Tu sais que je ne suis pas homme à faire un pas en arrière. Je le sais. Et tu restes impassible devant moi. Quelle force mystérieuse caches-tu donc? Je ne suis plus moi. C'est lui qui est en moi. Laisse-moi, vieille femme! Viens ici! Jusqu'au tour du maître, personne ne doit sortir de la maison. Lâche-moi, Denis! Oh. Laisse-le, Amaranta. Où voulais-tu aller, Juan? N'as-tu pas entendu siffler 3 fois? Ce sont mes amis. Quand ils sifflent de cette manière, c'est qu'ils ont besoin de moi. Tu es si pressée que tu ne vois pas que je ne suis pas seule. Pardon. Dieu te garde, monsieur. Dieu te garde, garçon. Encore? Tu les entends maintenant, maman? Mais réponds-leur que tu ne peux pas. Dis-leur plus tard, cet après-midi. On ne peut pourtant pas refuser à un ami? Pour cela même. Ne sommes-nous pas amis, toi et moi? Réponds-leur. C'est bien. C'est l'aîné? Un enfant sain et solide avec lequel on peut déjà parler. Tu veux? Non, je t'en prie, ne nous laisse pas seuls. Que peux-tu craindre d'un enfant? Je hais tout sentimentalisme. Aucun risque, il n'a rien d'un sentimental. Et de plus, il ne sait pas. Que cherches-tu alors? Je pense que si une fois tu as voulu me dire une parole réconfortante, la vie ne te l'a pas permis. Mais lui est net de toute faute. Alors, dis-le à lui. Ce serait temps perdu. Mais si tu y tiens tellement, laisse-nous. Merci. Juan, tiens compagnie à ce gentilhomme et occupe-toi de lui s'il a besoin de quelque chose. Traite-le comme un hôte envoyé par Dieu. Avec votre permission, Seigneur. Ainsi, toi, si grand, tu pourrais avoir besoin de moi? Qui sait? Si tu as perdu ton chemin, je les connais tous. Tu veux que je t'accompagne? Non, mon chemin, je dois le faire seul. Tu as faim? J'ai dans ma chambre quelques pommes cachées. Je te les apporte? Non, merci, je n'ai jamais faim. Jamais? C'est drôle. Les vieux de par ici ont toujours faim. Il faudra s'occuper de cela quelques jours également. Que veux-tu donc? Ce que tu as. Des amis. Tu en as beaucoup? 3 qui se feraient tuer pour moi et moi pour eux. Noble? Le fils du pêcheur, celui du forgeron et celui du bûcheron. Et ta mère te laisse aller avec eux? Pourquoi pas? Ces garçons ne sont pas tes égaux. C'est vrai. Le fils du bûcheron siffle comme les oiseaux. Celui du forgeron fabrique des couteaux et celui du pêcheur sait manier la barque de son père. Mais quand j'aurai appris tout ça, nous serons égaux. Ce sont eux qui t'appelaient? Nous devions faire un jeu qui s'appelle le roi et le braconnier. Mais il faut tirer au sort, car nous voulons tous être le même. Le roi? Bon, n'importe qui peut être le roi. Mais celui qui fait le braconnier, il faut qu'il soit adroit pour courir, se cacher et grimper aux arbres. Tu as l'air de préférer les chasseurs au roi. On t'a donc appris à les haïr? Les haïr? Pourquoi? Tel que tu me vois, j'ai un grand-père qui est roi. Qui te l'a dit? Ta mère? On le dit par ici. Ce n'est pas forcément vrai. Non. Ça m'est égal. Ne parle pas ainsi. Tu n'aimerais pas faire la connaissance de ton grand-père? Pourquoi? Il n'a jamais voulu faire la mienne. Et s'il ne peut pas, Les rois ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Alors pourquoi sont-ils rois? Ils naissent ainsi. Ta mère ne t'a jamais dit que tu lui ressemblais? Des fois. Quand elle est contente, elle dit que je ressemble à mon père. Quand je la fais inquiéter, elle dit que je suis comme mon grand-père. Et toi, à qui voudrais-tu ressembler? À aucun. Je veux être moi. Oh, ni plus ni moins. Tu es très orgueilleux. Toi, non? Si, avant. Maintenant, les ans me font baisser la tête. Tu es si vieux que ça? Plus que tu ne le penses. Quel âge as-tu? 200 ans. Tu mens! Les capitaines ont 30 ans, les savants 80 et les mendiants arrivent à 100. Mais personne ne va au-delà. Pourquoi dis-tu que tu as 200 ans? Ce sont ceux du Portugal. Tu parles drôlement. Tu ne sembles pas un homme comme les autres. Quel est ton métier? Le plus absurde de tous, d'après ce que je commence à comprendre. Je suis un roi pauvre. C'est impossible. Les pauvres sont habillés en pauvres et les rois sont habillés en rois. Où as-tu l'épée et la couronne? Mon épée est trop lourde pour moi tout seul. Il faut 40 000 hommes pour la soutenir. Elle pèse tellement? Le poids de 100 batailles. Et la couronne pèse aussi? Plus que la vie. Pourquoi me regardes-tu si fixement? Peut-être parce que je voudrais te graver dans ma mémoire, au cas où je ne te reverrai plus. Parce que aussi tu n'es pas un enfant comme les autres. Tu parles comme si tu avais déjà souffert. Quel âge as-tu? Plus que les doigts d'une main et moins que les deux. Ah, tu aimes les devinettes. Toi, non? Ah, par force. Deviner est la moitié de mon métier. Pour voir si tu connais celle-là. Mmh. Qu'est-ce que c'est qui siffle sans bouche et qui court sans pied, colle à ta figure sans que tu le vois? Quoi? Qui siffle sans bouche et qui court sans pied, colle à ta figure sans que tu le vois. Tu devines? C'est le vent. Le vent, très bien. À toi maintenant. Laisse-moi réfléchir. Non, sans penser. Quel homme est-ce qui brûle et se gèle à la fois, qui regarde et ne peut y voir, et meurt de soif auprès de la fontaine? Dis-moi qui c'est. Je donne ma langue au chien. Dis-moi qui c'est. Personne. C'était une bêtise. Qui meurt de soif auprès de la fontaine? Oublie-le. Tu t'en vas déjà? Je dois poursuivre ma route. Aussi loin qu'elle me mène. Quel dommage! Nous commencions à devenir des amis. Tu crois que nous pourrions le devenir vraiment? Si nous faisions le serment, oui. Viens, assieds-toi là. Il faut que ce soit par terre. C'est mieux, nous serons à égalité. Tu t'assieds? Je m'assieds. Comment t'appelles-tu? Alfonso. Moi, Juan. Mets ta main gauche sur le cœur et serre-moi très fort l'autre. Maintenant, dis comme moi. 2 pour 1, 1 pour 2, et qui mentira sera maudit de Dieu. 2 pour 1, 1 pour 2, et qui mentira sera maudit de Dieu. Jure-le sur la croix. Quelle croix? Celle faite avec tes doigts. Jurez. Jurez. Et maintenant? Maintenant, le secret. Je te dis un secret à moi, et tu m'en dis un à toi. Vas-y. Tu te souviens que je t'ai offert des pommes cachées dans ma chambre? Eh bien, je les ai volés au couvent en sautant le mur. Mais chut! À toi maintenant. As-tu entendu parler d'une terre remplie de dattiers et de citronniers et qui s'appelle l'Algarve? Eh bien, je l'ai volée aux morts en sautant la frontière. Mais chut! Gentil avec lui. C'est un roi pauvre et si vieux qu'il ne peut plus tenir son épée tout seul. N'oublie pas, hein? Si tu as besoin de moi, tu siffles 3 fois. Adieu, Alfonso. Adieu, Juan. Il est dangereux de jouer avec les enfants. As-tu donc oublié déjà ton fameux rêve? Quel rêve? Celui que tu m'as raconté hier comme un présage. L'enfant luttant avec le lion, et le lion finissant par se coucher sur le sol. Dieu merci, tu es là pour me prouver que je ne dors pas. Un peu plus peut-être, et le songe se serait réalisé. Merci d'être arrivé si à propos. Tu te sentais donc perdu? J'avoue que j'ai failli tomber dans la plus vieille des embuscades. Mais le danger est écarté. Tu peux dire à Inès que le piège de la tendresse n'a pas fonctionné. Pourquoi es-tu venu ici? Par curiosité, je passais. Non. Tu as attendu que je sois sorti pour voir Inès seule. Une femme amoureuse se laisse facilement sacrifier si on lui fait croire que son bonheur fait le malheur de son amant. C'est bien ce que tu voulais. Justement, mais ne crains rien. Sans tes violences et tes cris, Inès est plus forte que toi. Et l'enfant, que faisais-tu seul avec lui? Tu disais que tu ne voulais même pas le voir. Au fond, ce fut mieux ainsi, car j'ai pu voir à quel point nous étions différents. Je ne te cacherai pas qu'il a tout le charme de sa mère, mais il ne lui manque par contre aucun de tes vices. Tes vices? Un enfant de 7 ans peut-il avoir des vices? Bien sûr, aujourd'hui c'est amusant qu'il aime les braconniers et les fruits volés. Demain, cela peut être dangereux. C'est tout ce que t'a inspiré ton petit-fils. Ton fils? Des mots, tout ce qui naît de moi provient de toi. Devant la loi, non. Toujours la loi, tu fais plus de cas de la loi que de la justice. Je pense à ma jeunesse et je ne veux pas que l'histoire recommence. Mon père aussi avait essayé de mettre un de ces bâtards sur le trône. Et bien qu'il ait été le plus grand de nos rois, je n'ai pas hésité à prendre les armes contre lui. Et tu voudrais ressusciter maintenant ce qui m'a coûté une guerre à mort avec mon père. Ton cas est entièrement différent. Le tien est pire, car la tâche s'étend aussi sur la mer. Ne l'insulte pas devant moi, ne m'oblige pas à parler. Parle ! Que peux-tu opposer à cette triste vérité ? La mère est bâtarde et bâtards sont tes enfants. Ah oui. Eh bien, sache-le une fois pour toutes. J'avais juré de le taire à jamais, mais ce secret m'étouffe. Mes enfants ne sont pas des bâtards et Inès n'est pas ma maîtresse. C'est ma femme. Qu'as-tu dit? Que mes enfants sont tes héritiers légitimes et qu'Inès est mon épouse devant Dieu. Inès, ton épouse? Depuis quand? Depuis son exil. Tu mens. C'est une fable que tu inventes aujourd'hui pour gagner du temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le mariage a été célébré il y a 7 ans, à Bragance, un 1er janvier. Non, non, je ne veux pas le croire. Qui vous a marié? Monseigneur Don Gilles, évêque de Guarda. Les témoins? Esteban Lobato et son majordome. Alors ce serait vrai. Comme mensonge, ce serait trop stupide. Et tu as cru que cela suffirait contre moi? Un coup de poignard dans le dos. Non, mon pauvre Pedro, non. Celui qui fait et défait les lois, ici, c'est encore moi. Et moi, je déclare ce mariage illégal. Tes juges ne le pourraient faire. Il a été juré sur l'évangile et devant la croix. L'Église, alors, l'annulera. Sous quel motif? Consanguinité. Inès est ta cousine. Il y a 20 ans que tu as obtenu pour moi une dispense de cet ordre. C'était quand le pape Jean était ton grand ami et tu pensais déjà à me marier alors que j'étais tout petit avec une de mes cousines espagnoles. Excuse-moi, mais je n'ai fait que suivre la voie que tu m'avais indiquée. C'est ce que t'a appris aussi ce monseigneur du diable. Eh bien, je vous apprendrai, moi, tous les deux, qu'à l'intérieur de mes frontières, il n'y a pas d'autre autorité que la mienne. Et ce qu'Avignon a fait hier, Avignon peut le défaire aujourd'hui. Inutile, père. Pour autant que cela te gêne, tu sais très bien que le pape innocent n'effacera pas ce qu'a signé le pape Jean, et que tu ne peux séparer ce que Dieu a uni. C'est ce que nous verrons. Je ne crains ni le scandale, ni de remuer tous les tribunaux de la chrétienté. Tout! Plutôt que de reconnaître ce mariage fait par trahison contre moi et contre le Portugal. Par tout ce que tu aimes, Seigneur, demande-nous notre âme et notre vie, mais ensemble. À genoux, non! Tu n'as pas à t'abaisser devant qui que ce soit, debout près de moi. Pedro! J'aime mieux l'ennemi ainsi, de face. Jusqu'ici, je n'ai eu pour toi que pitié et affection, ma pauvre Inès. Désormais, n'attends plus ni pardon, ni quartier. Que Dieu te protège. Seigneur! Mon Seigneur! Ne bouge pas! ne t'es pas laissé impressionner par lui, n'est-ce pas? Je te le jure. Ni par lui, ni par l'infante. Elle est venue ici, elle aussi? Elle aussi. Mais contre chacun d'eux, j'ai suivi tes consignes au pied de la lettre. Lutter comme un homme, sans trembler, sans ciller. J'ai résisté une heure interminable, pensant m'effondrer à chaque minute. Ils t'ont fait souffrir et j'étais loin. Qu'importe, c'est fini. Et maintenant, quel moment merveilleux. Mais qu'as-tu? Tu trembles des pieds à la tête. Tu n'as pas compris. Après avoir résisté comme un homme, quelle joie de pouvoir à nouveau me sentir faible, faible. De recommencer à avoir peur et de pouvoir à nouveau pleurer comme une femme heureuse. Heureuse. Salle du conseil dans l'Alcazar. Il fait nuit. Le roi est entouré de ses conseillers. Assez de discours. Je n'ai pas réuni mon conseil en pleine nuit pour entendre des sornettes. On ne peut aboutir à des conclusions aussi graves sans preuves évidentes. Tu doutes encore que ces trop célèbres amours ne servent à masquer un soulèvement populaire qui se prépare contre nous? Des faits, Coelho, des faits. Hier matin, encore, les portes de nos palais étaient marquées de rouge avec les initiales entrelacées de Doña Inès et de ton fils. Nouvelle provocation. Les paysans ont pris ces mêmes initiales pour emblème et les ont gravées au couteau sur nos oliviers. Les tavernes de Coimbre sont remplies d'Espagnols insolents qui, devant tes propres soldats, boivent du vin de Galice à la santé de Doña Inès de Castro. Défi intolérable. Je ne fais pas plus de cas des inscriptions des paysans que des serments d'ivrognes. Il n'y a pas que les Espagnols. Des milliers de Portugais pensent également que le véritable souverain n'est pas ici, mais au manoir de Santa Clara. Si l'on prétend cela maintenant, que dira-t-on quand commencera à courir le bruit du mariage secret? Parle, Pacheco. Bien que tu sois le plus jeune, je connais peu de voix aussi sensées que la tienne. Pourquoi ne dis-tu rien? Il ne parlera pas. Il est trop lié avec le prince et Doña Inès. C'est vrai, Seigneur. Je les considère comme des frères véritables. Tu entends? N'écoute pas son conseil. Jusqu'ici, j'ai défendu leur amour et je ne dénierai à personne le droit de se perdre pour une femme. Mais un pays est autre chose. Alors, toi aussi, tu penses que cette femme est un danger pour le pays tout entier? Elle, non. Mais nous avons fait de sa personne un symbole. Et un peuple comme le nôtre qui ne bougera pas pour une idée se laissera tuer pour un symbole. Surtout s'il est beau. Toi-même, Seigneur, si tu n'étais pas le roi, avec qui serais-tu? Je t'ai demandé ton avis, pas des questions. Pardon. En conclusion, Pacheco, considères-tu Inès coupable? Innocente. Mais qu'importe ici qu'elle le soit ou non. L'État n'a pas à se préoccuper de ce qui est juste ou injuste, mais simplement de ce qui est nécessaire. Et le châtiment d'un innocent est à tel point nécessaire. Les insurgés ont pris cette femme comme drapeau. L'essentiel est d'arracher à l'ennemi son étendard. C'est ton avis aussi, Pacheco? Pourrait-on en avoir un autre? En ce moment, l'infante signifie notre paix. Inès représente une rébellion assurée et la guerre. Il n'y a pas d'hésitation possible. Seigneur, tous mes arguments ont été inutiles. L'infante a donné l'ordre à sa suite de s'apprêter à repartir pour la Castille. Dès l'aube. Personne ne quittera Coimbre sans ma permission. Dois-je la retenir de force? Fais doubler la garde et attends. En une nuit, il peut se passer bien des choses. Où est le prince? Dans l'antichambre, à tes ordres. Fais-le entrer et ne t'éloigne pas. Je crains que nous n'ayons besoin de toi. Seigneur. Approche, mon fils. Et écoute-moi calmement, parce que c'est la dernière occasion qui nous reste de conclure une paix digne de l'un et de l'autre. Que vois-tu sur cette carte? Le Portugal et la mer. N'oublie jamais ces deux mots réunis, Portugal et mer. Voici la Castille brûlante et sans eau, coupée de la Méditerranée par l'Aragon et par nous de l'océan. Si nous ne sommes pas suffisamment forts, un jour la Castille morte de soif se jettera sur nous comme ces fleuves désespérés à la recherche de notre mer. Regarde-les bien. Vois le Tage, ce bras tendu de Tolède vers la gorge de Lisbonne. Tu comprends ce que cela signifie? Tu me l'as appris quand j'étais enfant. Qu'ils forment un peuple de paysans, nous de marins. Qu'ils construisent des forteresses, nous des navires. La terre pour la Castille, la mer pour le Portugal. Parfaitement. Le destin est fort clair. Mais si nous avons eu besoin de 5 années de guerre pour devenir libres, nous avons besoin maintenant de 100 années de paix pour devenir forts. Mettre cette paix en danger, c'est compromettre notre avenir. Sûrement. Il est seulement dommage que tant de grands mots ne cachent qu'une chose si petite. Car cette terrible menace s'appelle Inès, n'est-ce pas? En ce moment, oui. Si tu veux regarder vers la mer et avoir tes arrières assurés, marie tes fils avec des infantes de Castille. C'est notre seule garantie de paix. Depuis quand? Tu t'es bien marié avec une infante castillane et tu as dû soutenir la plus dure des guerres contre la Castille. J'ai fait au moins tout ce que j'ai pu pour l'éviter. Qu'es-tu disposé à faire, toi, pour le Portugal? J'aurais d'abord besoin de savoir ce qu'est le Portugal. Je n'ai pas réuni mon conseil pour jouer sur les mots, mais pour prendre des décisions. Lesquelles? Voici l'acte qui déclare illégal ton mariage secret et demande son annulation. Il n'y manque plus que ta signature. C'est tout? Dommage qu'un document si important demeure lettre morte pour un détail si infime. Pas d'ironie, Pedro. Ta signature. Tu sais bien que tu peux tout me demander, sauf de sacrifier Inès. Inès, vous l'entendez? Pourquoi lui parler d'empire et de mère, si tout se réduit pour lui à l'image d'une femme? Vous attendiez de moi un grand roi pour demain, un législateur, un héros. Voyez-le. Regardez le pauvre homme que Dieu m'a donné à sa place. Ses ambitions ne dépassent pas les limites d'une chambre à coucher. Voilà ce que je vais laisser après moi, pour ma honte. Non, père! Des insultes pour complaire à tes courtisans, non! Permets-moi de me retirer. Reste là! Du calme, prince. Considère, Pedro, qu'en croyant défendre Inès, tu ne fais que la mettre en plus grand danger. Nous te proposons un moyen légal de défaire ton mariage. Vois à quelles extrémités tu peux nous réduire si tu refuses. Quand on ne peut défaire un nœud, on le tranche. On le tranche? Qu'as-tu voulu dire par là? Tu ne réponds pas. Coelho, ai-je bien entendu? Oui, toi aussi. Alvar Gonzalez, ai-je bien entendu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces deux-là sont capables de tout, mais toi, Pacheco, tu étais mon compagnon, mon ami. Tu t'es assis plus de 100 fois à la table d'Inès. Regarde-moi, Pacheco. De grâce, prince. Alors, toi aussi. Et pourquoi 3 seulement? Pourquoi pas 300 contre une femme? Lâche! Ils font leur devoir. Ils ne peuvent te répondre. Adresse-toi à moi. Eh bien, je te le dis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais si tu oses t'attaquer à elle, dès lors, tu ne seras plus mon souverain. Et tu n'auras pas d'ennemi plus implacable que moi. Pedro! Sur le salut de mon âme, je te le jure! Tu serais capable de lever la main contre ton père. Ne l'as-tu pas levé toi-même contre le tien? Suffit! À moi la garde! Maréchal! Maréchal! Seigneur. Le prince vient d'être victime d'un accès de folie. Il va avoir besoin d'un très long repos. Tu vas le conduire au château de Montémor. Avec quelles instructions? Isolement absolu. aucune lettre à personne, ni aucun adieu. Et souviens-toi que le chemin de Montémor ne passe en aucune façon par le manoir de Santa Clara. Compris. Compris. Nous sommes prêts. Adieu, mon père et mon seigneur. Et vous, messieurs, ne l'oubliez jamais. Ici ou à l'autre bout de la terre, demain ou dans 20 ans, celui qui oserait toucher un seul cheveu d'Inès, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût jamais né. Et maintenant, je suis à tes ordres, maréchal. Tu as vu, Seigneur, que la plaie était encore plus profonde que nous le supposions. Un pas de plus, et nous serions en face d'une rébellion ouverte. Heureusement que nous avons pu intervenir à temps. En ce qui le concerne, oui. La prison se chargera de le mater. Il faut maintenant penser à elle. Ne viens-tu pas de prononcer toi-même la sentence? Sinon, à quoi songeais-tu lorsque tu as dit que lorsqu'on ne pouvait défaire un nœud, on le tranchait? Je ne sais pas. Parfois, les paroles dépassent la pensée. Quelle est la vôtre? Nous n'avons plus le choix de la solution. Dis-la. Prononce une bonne fois cette parole maudite autour de laquelle nous tournons tous. La mort. La mort. Comme c'est facile à dire. Mais quelle serait ta sentence si tu devais l'exécuter de ta propre main? La même, Seigneur. Je ne savais pas que tu la haïssais tant. Alvar González? La mort, Seigneur. Tu la hais, toi aussi. J'accomplis mon devoir. C'est bien. Maintenant, Pacheco, décide. Réfléchis d'abord à ce que nous risquons tous. Qui étais-je jusqu'à ce jour? Le roi des 100 batailles. Et vous, les 3 premiers gentilshommes? Eh bien, tuons Inès cette nuit et demain je ne serai plus que le roi du crime. Et vous, la bande des complices. Personne ne pourra prétendre cela. Si, le peuple et les poètes. Car c'est ce qu'on dit toujours quand une femme est en jeu. Et que t'importe. Ton rôle est de faire l'histoire, que les autres la racontent demain comme ils veulent. Encore un moment. Tu as été très lié avec Inès, n'est-ce pas? Très. Rappelle-toi quelque chose d'elle. Un souvenir, si mince qu'il soit, mais bien vivant, comme si tu le revivais en ce moment. Pourquoi, Seigneur? Ne pose pas de questions. Souviens-toi. Une après-midi, pleine de soleil, j'arrivais à Santa Clara, mort de soif. Je la trouvais en train de tirer de l'eau du puits. Et elle-même me donna à boire dans le creux de ses mains. Avec la dernière gorgée, je l'ai lui baisée en riant. C'est bien, Pacheco. Le soleil et l'eau fraîche, le baiser et le rire. Rappelle-toi là ainsi. Et maintenant, prononce ta sentence. Dis-le, si tu en as le courage. Dis-le. La mort, Seigneur. La mort. Et pourquoi hésites-tu encore? Quand il s'agissait de ton peuple, rien ne te retenait, ni frontières, ni épidémies, ni guerre. Une femme aujourd'hui pourrait te retenir. Seigneur. Seigneur. Mais que lui arrive-t-il? Il pleure. C'est pire. Notre grand roi est simplement vieux et fatigué. Il a sommeil. Non, Pacheco. Ni l'attendrissement ni le sommeil ne me sont permis. Fais préparer des chevaux et une escorte. Nous partons tout de suite. Et où allons-nous, Seigneur ? Au manoir de Santa Clara. Chambre à coucher d'Inès à Santa Clara. Il doit être très tard. Et d'après la hauteur des 7 étoiles, il ne doit pas être loin de minuit. Tu ne te couches pas ? Ton lit est prêt ? Vas-y, toi, si tu as sommeil. Moi, je ne pourrai dormir tranquille tant qu'il n'est pas là et je ne ferai que m'inquiéter davantage. Et les autres fois, quand il part en voyage ? On revient toujours de voyage, mais du palais. Tu n'entends pas ? Quoi ? On dirait un galop de cheval, très loin. Mais ce n'est rien, le vent dans les peupliers. Les enfants se sont bien endormis. Je les vois. Juan, les pieds hors du drap, celui qu'on ne peut jamais recouvrir. Dionys, les poings fermés. Et Béatrice, tout en fossette, et qui semble rêver. On peut donc rêver, si petite. Trois enfants. Dis-moi, à quel âge une femme cesse-t-elle d'être jeune ? Oh, voilà à quoi tu penses, mon Dieu. Tu as 27 ans et plus d'une jeune fille t'envie. Ce n'est pas pour moi que je te le demande. Alors c'est pour lui. Mais tu ne vois donc pas comme il te regarde. Si le soleil regardait les blés de cette façon, on récolterait toute l'année. Merci, Amaranta. Mon coffret, je te prie. Le voilà. Et... Tu entends maintenant ? Oh, ton galop encore ! Mais c'est ton imagination qui travaille. Regarde plutôt tes bijoux. Mais pourquoi gardes-tu si précieusement ce rosaire en noyau d'olive ? C'est une relique. Elle vient du jardin des Oliviers. Un pèlerin qui avait été pieds nus de Jérusalem à Compostelle l'avait donné à ma mère. Oh, ce que ça doit être beau, Compostelle, avec des pèlerins venus du monde entier. Surtout le jour de Saint-Jacques. On entend parler dans toutes les langues et il arrive de partout des monnaies et des péchés étranges dont ici on n'a pas idée. Et ce parchemin ? C'est une autre relique. Bragance, 1er janvier. Tiens, donne-moi plutôt le luth. Tu vas chanter cette heure-ci ? Chanter, n'est-ce pas penser à voix haute ? Sur la mer, il recherche Portugal. Mes yeux courent la rivière, il recherche mon ami. Chut, silence! Maintenant c'est vrai, madame, le cheval. Enfin! Tu entends? Je n'ai jamais entendu ainsi les sabots d'un cheval. La nuit, tout s'amplifie. On dirait qu'ils sont deux. Le maréchal l'accompagne. Mais non, ils ne sont pas deux, ni quatre, mais toute une troupe. Une troupe, dis-tu, à Santa Clara? Mais ce sont des hommes d'armes. Ils entourent la maison. Il y a avec eux ce vieillard qui jouait l'autre jour avec le petit Juan. Oh, le roi, il faut que la raison soit d'importance. Fragoso est en bas. Préfères-tu que je descende? Non, reste avec moi. Courage, madame. C'est peut-être un message. En pleine nuit, avec le roi en personne. Oh non, il est arrivé quelque chose à Pedro. Peut-être me le rapporte-t-on attaché sur un cheval. Oh non, je ne veux pas voir ça. Sainte Vierge Marie, sans blessure pour moi contre une sienne. Saint Jacques, sauve Pedro et j'irai pieds nus à Compostelle. Sauve-moi, Pedro. Seigneur, qu'est-il arrivé à ton fils ? À mon fils ? Ne mens pas, je t'en supplie. Il est blessé, n'est-ce pas ? Tu le ramènes ici ? Il ne s'agit pas de lui pour l'instant. Réponds-moi, Pacheco. Tu ne peux me tromper, toi. Où est Pedro ? avec le maréchal, en route pour Montémor. Prisonnier ? Je te répète qu'il ne s'agit pas de lui pour l'instant. Nous venons pour toi. Alors, toutes ces lances et ces épées, tous ces soldats et ces chevaux, c'était simplement pour moi ? Oh, Dieu soit loué, j'avais imaginé le pire. Où sont les enfants ? Ils dorment, Seigneur. Pacheco, accompagne-la. Qu'on les réveille et qu'on les habille. Oh non ! Mais qu'est-ce que cela signifie ? Viendrais-tu pour me les enlever ? N'aie crainte. Il ne sera rien fait contre eux. Ils sont à moi ! Plus maintenant. Pacheco, accompagne cette femme. Bien, Seigneur. Vous, Coelho et Alvar González, éloignez-vous, j'appellerai. C'est donc si grave ce qui t'amène dans ma maison ? Tu n'as pas compris. Mon conseil t'a jugé et condamné. Pour quel crime ? Pour l'amour que ton fils me porte ? Au début, oui. Maintenant, c'est surtout à cause de la passion que tu suscites dans le peuple. Et un peuple passionné peut se livrer à plus de folie qu'un homme. Tu sais pourtant que je suis innocente. Il n'est pas nécessaire que tu sois coupable. Tu représentes un danger contre lequel il n'y a que deux solutions acceptables. Choisis laquelle de toi-même. Deux solutions, dis-tu ? Quelle est la première ? C'est l'annulation de ton mariage et la célébration de celui de Pedro avec l'infante. Dans ce cas, Seigneur, je choisis la seconde. Je le craignais. Mais sais-tu quelle est la seconde, malheureuse Inès ? Je n'ai qu'à te regarder dans les yeux pour la connaître. Et tu l'acceptes ainsi, dans tout l'éclat de ta beauté et de ta jeunesse. Ai-je une autre issue possible ? Tu ne peux pas accepter de mourir de la sorte. Le capitaine de l'escorte a mes ordres secrets pour te conduire dans un refuge sûr. Il existe des couvents au Portugal où le roi lui-même ne peut pénétrer. Pedro et mes enfants le pourraient ? Jamais. Alors je refuse. Réfléchis, Inès. J'ai ordonné la mort de milliers d'hommes et je n'ai jamais exécuté une femme. Que reprochais-tu à ces hommes que tu ne pourrais me reprocher ? C'étaient des ennemis de guerre ou des malfaiteurs. Contre les uns me poussaient la fureur et la haine, contre les autres le sentiment de la justice. Contre toi, je n'ai que ma raison. Et ce n'est pas suffisant, Inès. Les grands mots de devoir, de loi ou d'illégitimité ne te suffisent donc plus ? Ce soir, non. J'ai vieilli tout d'un coup. J'éprouve un froid qui me fait trembler. Je comprends, pauvre roi. À ta place, je tremblerai aussi. Mais ne te leurre pas. Ce n'est pas moi qui t'inspire de la pitié. C'est toi-même. Moi ? Toi. Tu as réalisé un long règne de gloire, et il est triste de le tâcher ainsi quand il s'achève. Tu as lutté chaque jour de ta vie. Et désormais, mon souvenir ne te laissera plus ni trêve, ni repos. N'est-ce pas cela, roi Alfonso ? Tais-toi. Ne me tourmente pas davantage. Inès, as-tu vu quelquefois le juge supplier le condamné ? Eh bien, regarde. Par le sang du Christ, Inès, délivre-moi de ta croix. Par ton amour et tes enfants, délivre-moi de ta mort. Je le regrette, Seigneur, mais que puis-je faire ? Sur ce jeu d'échecs où Dieu nous a mis, je ne suis qu'une pièce. Joue maintenant. Il n'y a plus rien à faire. Il y a deux possibilités. Pedro ou la mort. Songe que tu es en train de dicter ta propre condamnation. Il y a 10 ans que je la crains et l'espère. Joue, te dis-je. Où veux-tu en venir avec cette folie ? Il est trop tard pour discuter. Par pitié, joue. C'est bien. Pacheco, Coelho. Oh. Enfin, combien ai-je attendu ces larmes ? Du courage, ma fille. Le capitaine se mettra à tes ordres. Non, merci. C'est fini. J'ai eu un moment de faiblesse en pensant à mes enfants. Où les emmènes-tu ? Au palais. Ils habiteront près de moi et seront traités comme des enfants. Puis-je les embrasser ? Non, ce serait un chagrin inutile. Je te jure qu'ils ne me verront pas pleurer. Je peux? Non. Embrasse-les pour moi. Et promets-moi qu'ils ne sauront rien jusqu'à ce qu'ils soient en âge de comprendre. Ils ne sauront rien. Merci. Adieu, Inès. Messieurs, je jure devant Dieu que j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour sauver cette femme. Le reste ne dépend plus que de vous. Inès, pour la dernière fois, une parole, une seule. Adieu, Monseigneur. Pourquoi baissez-vous la tête? Êtes-vous les accusés? J'ai une chose à te demander pour nous tous. Tu n'as pas besoin de me le dire, Coelho. Je te pardonne. À toi aussi, Alvar González. Il est naturel de pardonner à l'ennemi. Mais toi, Pacheco. Toi. Il le fallait. Si je n'étais pas ici, tout le monde dirait que c'est un crime. Je ne te comprends pas. Eux te haïssent. Il fallait qu'il y eût également quelqu'un qui t'aimât. Tu comprends maintenant? Je comprends. Le moment est venu. As-tu besoin de quelque chose? Non, de rien. J'étais en train de penser que tout devient différent lorsqu'on le voit pour la dernière fois. Entendez-vous cette rumeur de l'eau? C'est le Mondego. Tu l'as entendu des milliers de nuits. C'est ce que je dis. Je m'étais habituée à dormir avec cette voix familière. Et aujourd'hui seulement, je me rends compte combien c'était merveilleux. Combien peut paraître simple le miracle d'être heureux. Il est temps de penser à ton âme, madame. Priez. Je terminais de prier quand vous êtes arrivée. Cette nuit, je veux faire une oraison de plus. Une dernière requête, Pacheco. Parle. Ne me faites pas mal. On parle de mon col de cygne. Alors, ça doit être facile. Je te le promets. Récite ta prière, Inès. Mes yeux courent sur la mer. Ils recherchent Portugal. Mes yeux courent la rivière. Ils recherchent mon ami. Mes yeux parcourent le ciel. Ils recherchent mon amant. Mes yeux s'en vont sans retour. Mes yeux courent à la mort. Attendrons l'aube dans cette clairière. Attachez les chevaux et faites un bon feu de bivouac. T'es toujours froid, Pedro? J'ai des frissons. C'est sûrement un peu de fièvre. Tu ne veux pas te reposer? Cette musique m'agace. Quelques pâtres qui grattent son rebec. Quand je l'entendais tout enfant, je rêvais ensuite à des choses tristes. Me fait l'effet d'un mauvais présage. Ce n'est pas la musique. C'est un pressentiment que tu as depuis ton départ de Coimbra. Peut-être un remords. Nous n'aurions pas dû la laisser à Santa Clara. Le roi avait formellement interdit de s'approcher du manoir. Il n'y a pas d'ordre qui tienne quand on sait une femme toute seule et entourée d'ennemis. Ah, Pedro, aie confiance. Je ne peux pas. Au départ, j'éprouvais une impatience instinctive. Ensuite, ce fut de l'angoisse et de la fièvre. Maintenant, je suis sur des charbons ardents. Je n'en puis plus, maréchal. J'ai de la peine à le dire, mais pour la première fois de ma vie, je vais manquer ma parole. Quelle parole? Je t'ai promis de t'obéir comme ton prisonnier. Et je ne puis tenir davantage. Il faut que j'aille chercher Inès tout de suite. Tu veux t'enfuir? As-tu pensé que toute la responsabilité retombera sur moi? C'était la seule chose qui me retenait jusque-là. Je te jure que je n'en peux plus. Si tu m'opposes tes soldats, je me jette sur eux. Si tu veux m'arrêter, je te passe sur le corps. Pardonne-moi, mais dis-moi que tu me comprends. Je te comprends, Seigneur. La folie, c'est ce que nous comprenons le mieux au Portugal. Merci, ami. Le bois est sombre et la brume s'épaissit. Veux-tu quelqu'un avec toi? Non, personne. Mon cheval connaît par cœur tous les chemins qui mènent à Inès. Je vais te le chercher. Lâchez-moi! Seigneur! Monseigneur! Arrête! Pourquoi tout ce bruit? Fragoso! Laissez-le, vous autres! Mon prince! Monseigneur! Où est Inès? Parle! Est-elle avec toi? Prisonnière? Exilée? Parle, où est-elle? Elle est morte, Seigneur. C'est pas vrai. Je l'ai cru, moi aussi, un moment, mais c'était un accès de fièvre. Qui l'a vu mourir? Moi, à la minuit, en murmurant ton nom. Ce n'est pas possible. Je te dis que ce n'est pas possible! Inès serait morte, et moi, je serais là, debout. Elle a été tuée de 3 coups de poignard. Les noms. Dis-les, à haute voix. Coelho. Alvar González. Pacheco. Vous l'entendez, camarade? Coelho, Alvar González, Pacheco. Que ces noms restent gravés dans vos mémoires, mais que personne ne s'avise de toucher à l'un d'eux. Cela me regarde seul. Avec mes chiens, je les forcerai au fond des bois, à travers les montagnes. Ce sera la plus belle chasse de ma vie. Dis-moi les autres. Ils étaient seuls. Tu mens! Ils n'auraient pas pu. Quelqu'un de plus haut placé guidait leurs bras. Qui? Sur ton âme, ne m'oblige pas à te le dire. Dis-le! Même si ce nom te brûle la bouche, comme à moi, c'était mon père? Oui. Jure-le! Je le jure, sur la vraie croix. C'était le roi, notre maître. Tu as entendu, maréchal? Si cet homme a menti, qu'on l'attache à la queue d'un cheval au galop. Mais s'il a dit vrai, que la terre soit réduite en cendres! À moi! Mes capitaines, mes valets d'épée, mes soldats et mes gentilshommes, tous aux armes contre mon père! À moi, les pêcheurs du Douro! À moi, les laboureurs du Mignot! À moi, les bergers de Trasos Montes! Tout mon peuple contre mon père! Et toi, mon bras et tout mon sang contre mon père! À moi, Portugal! Contre le roi! Portugal! Contre le roi! Portugal! Contre le roi! La salle du trône du palais de Lisbonne. Immobiles comme des figures de tapisserie, dames et chevaliers, héros d'armes et soldats, gens d'église et hommes du peuple sont disposés autour du trône. Sur le trône, Inès, couverte de voile blanc. Elle est une morte, jeune et belle, en vêtements de noces. Pedro est debout à son côté. Un page, à genoux, porte la couronne sur un coussin. Peuple et noble seigneur du Portugal, la guerre fratricide est terminée. Les coupables sont châtiés. Et notre grand roi Don Alfonso, que Dieu ait son âme, repose de son sommeil éternel. En ce jour, nous proclamons maître de toutes ses possessions et royaumes son fils Don Pedro Ier, auquel nous jurons fidélité et obéissance. Que Dieu bénisse sur sa tête l'héritage de 7 souverains. Je n'ai nul droit à cette couronne. Une autre tête plus digne la portera par-delà la mort. Que cette femme que nous avons tous tuée nous pardonne en nous donnant une vie nouvelle. Que son image faite d'amour nous rende à tous l'amour et la paix. Que Dieu te sauve, Doña Inés, reine de Portugal. Venez d'entendre Inès de Portugal d'Alejandro Casona, adapté par André Camp. Clotilde Joanno était Inès. Geneviève Casil, sociétaire de la Comédie-Française, l'infante. Michel Rull, Pedro. Georges Cosimon, le roi. Hélène Callot, Juan. André Gire, Elvire. Fanny Marette, Léonore. Olga Nilza, Amaranta. Jacques Degore, le maréchal, Pierre-Olivier Coelho, Jean Pemeja Pacheco, Marcel Alba, Alvar González, Gaëtan Jor, Fragoso. Chef opérateur du son, Daniel Tourcière. Collaboration technique, Marcel Grenier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Musique originale de Jacques Degore. Assistante de production, Marie-Rose Derouet. C'était une émission du Théâtre populaire de juin 1944, production Maurice Bertrand, réalisation Evelyne Frémy.